squat un petit lopin de terre pour pouvoir y planter des graines. Je fais pousser des plantes stupéfiantes avec des feuilles vertes comme de l'herbe. Je suis un homme heureux qui prend son temps. Je suis un homme heureux qui rêve doucement pour passer le temps. Je me suis acheté une salopette et des grosses bottes d'horticulteur, un sécateur, un chapeau de paille, un sac d'engrais, des gants verts. Je suis un homme heureux qui prend son temps. Je suis un homme heureux qui rêve doucement pour passer le temps. Mon occupation préférée, c'est regarder mes pieds grandir, grimper au ciel, devenir touffu, étaler leurs feuilles au soleil. Je suis un homme qui prend son temps. Je suis un homme qui rêve doucement pour passer le temps. Quand je fais sécher ma production, je suis fier de mon dur labeur. Je me prépare à faire la fête, j'égrainerai une à une les terres.